Chapitre 29e. Bien qu'elle se fût promis d'attendre patiemment afin de laisser venir les événements, l'angoisse de l'incertitude et du doute fut plus forte que sa volonté. Après quelques jours, voyant que le marquis continuait à être ce qu'il avait été en ces derniers temps, elle décida de faire une tentative pour l'obliger à se prononcer, ou tout au moins à manifester ses sentiments. La promenade au bois de sapin l'agaçait. Elle voulait savoir précisément ce qu'il y avait eu sous ce trouble. Elle le forcerait bien à sortir de son mutisme. Le moyen qui s'offrait à elle pour risquer cette tentative était des plus élémentaires. Mais elle avait depuis longtemps fait l'expérience qu'entre les mains d'une femme adroite, les moyens les plus simples et même les plus bêtes sont toujours les meilleurs, et elle n'hésita pas à employer celui qui s'offrait à elle. Un matin, vers 10 heures, juste après leur promenade, elle écrivit de son écriture la plus fine et la plus élégante un mot au marquis pour lui demander une entrevue. C'était l'heure à laquelle on était certain de trouver le marquis dans son cabinet de travail. Levé tous les jours vers 6 heures, il commençait sa journée par une course à cheval, soit pour visiter ses ouvriers, soit tout simplement pour se promener. À 8 heures, il revenait au château, et après un premier déjeuner composé d'une croûte mouillée d'un verre de vin blanc, il entrait dans son cabinet, où il restait jusqu'à 11 heures, lisant, écrivant, à la disposition de ceux qui avaient à l'entretenir. 5 minutes après avoir remis sa lettre, on va la prévenir que le marquis l'attendait. Elle descendit. « Denise vous donne-t-elle quelques sujets de mécontentement ?» demanda le marquis en la voyant entrer et avant même de l'avoir invitée à s'asseoir. « Oh, certes non, cher enfant. Elle est l'élève la plus soumise, la plus attentive, la plus agréable sous tous les rapports qu'on puisse désirer. Ah, vous m'enlevez une inquiétude. En lisant votre mot, j'avais eu peur. Ce n'est pas de Denise que j'ai à vous parler, monsieur le marquis, c'est de moi, de vous, madame. » « Lorsque vous avez bien voulu m'accepter pour être l'institutrice de Denise, dit-elle, notre position, c'est-à-dire celle de mon mari et la mienne, était des plus critiques. Je n'ai pas voulu l'apprendre, n'est-ce pas? Je n'ai pas davantage à le dissimuler. Nous étions victimes d'un terrible concours de circonstances. « Elle veut me demander de l'argent, » pensa le marquis. Et il se rassura, car les questions de ce genre n'avaient pour lui d'importance que quand son tiroir était vide, ce qui arrivait assez souvent, et précisément pour le moment il était plein. Obligé de restituer des sommes considérables qui avaient été dérobées par un employé infidèle, nous nous trouvions ruinés. Ah, c'est un employé infidèle. Avez-vous donc cru que mon mari coupable des détournements qui l'ont forcé à sortir de l'armée? Assurément, j'ai pardonné bien des choses à mon mari, mais je ne lui aurais pas pardonné celle-là, qui eût entaché son honneur. J'aurais demandé ma séparation, et, par malheur, elle dit cela avec un sourire désolé. « J'aurais apporté au tribunal trop de bonnes raisons pour qu'il pût la refuser. »« Non, monsieur le marquis, non. Mon mari n'a pas été coupable. Il a été victime. Victime d'un homme en qui il avait confiance et, d'un autre côté, victime d'un chef qui a voulu. » Elle hésita un moment en rougissant. « Qui a voulu, il faut bien le dire, se venger de la femme sur le mari. » Elle détourna la tête et se tut quelques instants comme si le souvenir de cet outrage la suffoquait. Le marquis, que l'histoire du capitaine avait laissé assez froid, fut touché par cette émotion. Les choses, quant à elle, pouvaient très bien s'être passées ainsi. Pourquoi n'aurait-elle pas été en butte aux poursuites d'un officier? Elle était assez jolie pour cela, la pauvre petite femme. Bientôt elle reprit. « Vous fûtes pour nous le salut. La femme put venir en aide au mari. Mais alors, comme si vous portiez avec vous la bonne chance, le sort qui jusque-là s'était acharné sur nous se fit plus clément. Ceux qui s'étaient détournés de mon mari quand ils le croyaient coupable revinrent à lui lorsqu'ils le surent innocent. On s'occupa de lui et l'on vient de le mettre à la tête d'un journal financier d'une maison de banque dont il est le gérant. Le marquis fit un mouvement, il commençait à être inquiet. Si mon mari a pu consentir à une séparation, continua-t-elle, s'il a pu me laisser reprendre ma profession d'institutrice, c'est que nous étions sous le coup du besoin et que nous ne pouvions nous montrer difficiles ni l'un ni l'autre. Mais aujourd'hui, les circonstances ne sont plus les mêmes. Mon mari non seulement n'est plus dans le besoin, mais encore il occupe, me dit-il, une position assurée, et alors il demande... Elle ralentit ses paroles de manière à bien détacher ces derniers mots. Il demande... que sa femme... Elle laissa la voix. Revienne près de lui. Le marquis se leva brusquement comme s'il venait d'être frappé en plein corps. « Vous voulez nous quitter ? » s'écria-t-il. « Non, certes. « Mais mon mari veut que je rentre près de lui. »« Mon mari, monsieur le marquis, est bien léger. mais au fond du cœur, il a pour moi une affection sincère. » Elle recommença à détacher ses mots. « Une tendresse profonde. Je dirais même de l'amour. » Il marcha à grands pas à travers le cabinet, il s'arrêta et tendit la main comme pour lui fermer la bouche. Satisfaite de l'effet qu'elle avait produit, elle n'insista pas. « Si je parle ainsi, c'est pour que vous appreniez les raisons qui déterminent mon mari, qui, croyez-le bien, n'obéit point à un caprice. Lorsqu'il m'a fait part de son désir, je lui ai répondu que je ne pouvais vous quitter ainsi. Mais c'est évident. Que j'ai été nécessaire à mon élève, c'est évident. Et qu'un changement de maître, alors qu'elle était déjà si en retard, lui serait très préjudiciable. Rien n'est plus juste. Enfin, que si je n'étais point strictement lié à vous par un engagement formel, je l'étais au moins par la reconnaissance et par le souvenir de toutes vos bontés. Et que répond monsieur le capitaine Beaujonnier ? Qu'il veut que je parte. Et moi, madame, je ne le veux pas. » Elle se mit à sourire, et d'une voix légèrement moqueuse, « N'oubliez pas, monsieur le marquis, qu'il est mon mari. C'est juste, » dit-il avec une colère contrainte. « Je l'oubliais. Mais réfléchissez, madame, qu'il est impossible que vous nous quittiez. En dehors des raisons qui vous attachent à Denise et que vous avez très bien fait valoir, il y a, permettez-moi de le dire, celle qui vous attache à nous. « À vous, monsieur le marquis, » dit-elle avec un étonnement plein de naturel. « À nous tous, ici. Mais pour ne parler que de moi, je veux dire que j'ai pour vous une profonde reconnaissance, une vive sympathie, de l'estime. » Elle le regardait du coin de l'œil, se demandant jusqu'où il allait aller. « De l'amitié. » Il s'arrêta, attendant sans doute une réponse. Comme elle n'en fit aucune, il reprit après un intervalle de silence. « Consentez-vous à rester ?» Répondit franchement, je vous prie. De tout mon cœur, je désire ne pas me séparer de Denise. Alors, madame, cela suffit. Le reste est affaire à traiter entre monsieur le capitaine Beaujonnier et moi. Je pars pour Paris. » Clémence fut stupéfaite de cette décision soudaine qu'elle n'avait nullement prévue et qui l'embarrassait fort. Si l'histoire de la maison de banque était vraie, il n'était pas vrai du tout, par contre, que le capitaine eût rappelé sa femme près de lui. Il pensait bien à elle. C'était une invention dont elle s'était servie pour pousser le marquis à bout, mais l'invention avait trop bien réussi. Elle tâcha avec une parfaite sincérité de faire revenir le marquis sur sa détermination. « Non, dit-il, non, il faut que je voie le capitaine, je lui expliquerai la situation, j'insisterai vivement. »« Prenez garde, dit-elle, d'insister trop vivement, et avec lui, si vous voulez réussir, n'allez pas oublier que vous parlez à un mari. Ne craignez rien, je vous le promets, vous nous resterez. » « Ce sera avec bonheur, croyez-le bien, monsieur le marquis. » Elle dut céder. Mais aussitôt que le marquis fut parti pour la gare, elle monta à cheval sous prétexte de faire une promenade dans la forêt. Denise voulut l'accompagner, elle dit qu'elle désirait être seule. Elle fit la même réponse à monsieur de Carquebus, et comme il insistait, elle déclara nettement qu'elle ne sortirait point si on ne la laissait pas libre. En quittant le château, elle entra comme à l'ordinaire dans le parc, puis dans la forêt. Mais bientôt, prenant un chemin de traverse qui rejoignait la grande route, elle poussa jusqu'à Condé. Là, elle s'arrêta devant le bureau du télégraphe et donnant son cheval à tenir à un gamin, elle entra dans ce bureau où elle écrivit la dépêche suivante. « Monsieur Beaujonnier, bureau de la fortune publique, rue Rossini, Paris. Tu recevras demain, peut-être avant une lettre que je t'écris, la visite d'une personne que je ne puis te nommer. On te fera une proposition que je ne puis t'expliquer. » Laisse venir pour comprendre ce dont il s'agit. Refuse d'abord énergiquement et ne cède qu'à la dernière extrémité. Tu pourras faire payer ton consentement à peu près ce que tu voudras. » Clémence. Elle tendit sa dépêche à l'employé, et celui-ci, après l'avoir lue, lui fit observer qu'on pouvait l'abréger en supprimant les « tu » et les « que ». « Non, dit-elle, je désire qu'elle soit claire. » « C'est qu'elle ne l'est déjà pas trop, » dit l'employé en souriant. « Elle le sera pour celui qui la lira, et cela suffit. » Elle remonta à cheval et rentra au château sans que personne sût qu'elle avait été à Condé.